partout. Des gens avec leurs chiens qui vont promener leur toutou à midi, le soir et le matin. On les voit un peu partout, les caniches, les dalmatiens qui se baladent un peu tout fous en pissant où ça leur convient. On les voit un peu partout, qui vont chercher leur pain, qui vont boire un petit coup avec leurs copains câlins. On les voit un peu partout dans les parcs, les magasins. C'est comme ça et puis c'est tout, l'homme est l'ami du chien. François petit retraité qui promène son berger, il fait le tour du quartier pour mater les petites mémées. Y'a René militaire qui balade son boxer tous les jours, même en hiver, tous les jours sauf en canière. Y'a Marie la pharmacienne avec son joli teckel, tous les gars tournent autour d'elle, mais mademoiselle est lesbienne. Et bien sûr y'a Ferdinand avec son berger allemand qui se balade en chantant et qui fait rire les enfants. On voit un peu partout des gens avec leurs chiens qui vont promener leur toutou à midi, le soir et le matin. On les voit un peu partout, les caniches, les dalmatiens qui se baladent un peu tout fous en pissant où ça leur convient. On les voit un peu partout qui vont chercher leur pain, qui vont boire un petit coup avec leurs copains canins. On les voit un peu partout dans les parcs, les magasins. C'est comme ça et puis c'est tout, l'homme est l'ami du chien. Y'a Lucette la boulangère avec son petit coquère qui a tout le temps les seins à l'air et qui vend des croissants pas chers. Y'a Roger le vieux clochard qui est fidèle à son bâtard, il fait tout le temps le trottoir pour se payer un petit ricard. Et y'a monsieur faut pas me faire chier avec son gentil pitbull qui te croquerait tout cru si tu lui effleures le pull. Y'a Louis le mécano avec son chien de traîneau qui répare les vieilles autos mais qui fait peur aux marmots. On voit un peu partout des gens avec leurs chiens qui vont promener leur toutou à midi, le soir et le matin. On les voit un peu partout, les caniches, les dalmatiens qui se baladent un peu tout fous en pissant où ça leur convient. On les voit un peu partout qui vont chercher leur pain, qui vont boire un petit coup avec leurs copains câlins. On les voit un peu partout dans les parcs, les magasins. C'est comme ça et puis c'est tout, l'homme est l'ami du chien. François ou René, Marie, Lucette ou Ferdinand, Louis ou Roger ou même monsieur, faut pas me faire chier. Peut-être qu'un jour en se baladant, tous ces braves gens vont se rencontrer, leurs chiens faire des bébés. François ou René, Marie, Lucette ou Ferdinand, Louis ou Roger ou même monsieur, faut pas me faire chier. Peut-être qu'un jour en se baladant, tous ces braves gens vont se rencontrer.